revolvement qui pour fort il vient mon Dieu. Profitez qu'on y a là. Parole céleste. Yon bon ami qui pat vle kwe gen yon bon Dieu. Mwen bal tout conseil pou ka change. Li dim li poko fin jwi la vil. Yon jou kon sa mchita devan televizyon. Yon journal annonce mwen wè son aksidan. Lem pantan pou mgade mwen wè se zanmin sa. Ki nan yon ambulans ya menen l'hôpital. Mon talent balavel, oui. Mwen pat pointan pou mte rive. Sa mwen mte wèm pat sa pale. De pie l coupe, mèm sentil bloke. Dokte dil pap jan mache ankor. Dlo tap koule nan zye, se kon ya li regret. Pou lwe koute l soti, bon du mete l deyo. Mwen te sezi tande, san mim sa ki tap di. Si pat genye bon die, li pat ap la ankor. C'est toujours comme ça. Mon Dieu, pas la voix en mine, viens jouer les. Profitez, profitez, profitez, profitez.